noche se te metió y no tenés que aquí hasta lleno. ¿Quién puede pasar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude el duro. No te quites ahora, que tu solo empieza. Mueve la cabeza y sacude el duro. Para saciar la locura, morena, bella, mi un lado. Que va y caperado, quiero un feliz futuro. Para saciar la locura, morena, bella, mi un lado. Que va y caperado. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Es para quebrar, con toro vamos a danzar, con toro. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Seja morena. Se quede con los diamantes y el oro, que yo soy el lobo. One life, two worlds, English, Spanish. One night, two girls, English, Spanish. Para sacar una locura, morena, tráigame un lado. Ninguém vai ficar parado, quiero ver ese futuro. Para sacar una locura, morena, tráigame un lado. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Bon, j'espère que votre après-midi se passe bien avec Radio Arc-en-Ciel. On allait parler un petit peu météo avant de passer à nos invités. Bon, c'est pas terrible, hein. Vous avez eu ce matin super soleil, cet après-midi pluie. Bon, par contre, il fait pas froid, hein. On a 17 degrés cet après-midi. Et pour la semaine prochaine, eh bien, préparez vos parapluies puisque à part lundi, il pleut toute la semaine avec une température moyenne de 8 le matin jusqu'à 15 l'après-midi. Oh, what would I do without your splendor? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me. But I'll be alright. My head. Je suis un homme au cœur de lion, à la guerre entre formidable, c'est bien lui. Rita Mitsuko avec le titre Andy, qu'est-ce que j'aime ce titre. Et d'ailleurs, il va être temps d'accueillir nos invités. Il s'agit de Estelle et Mickaël qui viennent nous parler du groupe Avoriaz. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va. Ça va, oui. Ben, moi aussi, je vous entends bien. Ça démarre bien, du coup. Donc avant de parler du groupe Avoriaz que vous formez, j'aimerais découvrir ce que vous faisiez auparavant. Je te propose, Mickaël, qu'on commence avec toi. Mm-hmm. Alors, d'où viens-tu? Que fais-tu? Je viens d'une planète lointaine. Eh bien, en fait, tout simplement, je pense que j'ai porté mon héritage artistique avec moi tout au long de ma vie, et ça a commencé dès mes 15 ans, certes par la musique, mais ça a tout de suite bifurqué sur mon parcours professionnel, puisque j'ai passé donc un CAP dans tout ce qui est à la base peinture, décoration, dans le but de vivre de ça pendant des années. Donc j'en ai fait jusqu'à, si je compte bien, de 95, donc j'avais 15 ans, où j'ai passé mon CAP et BEP jusqu'au bac, et après j'ai bifurqué donc sur une création d'entreprise, mm-hmm. voilà, d'auto-entrepreneur, jusqu'en 2008-2009. D'accord. Et donc ce qui m'a permis de passer un cran pour devenir créateur d'ambiance, comme je le disais. Mm-hmm. Donc là, je te vois pas parce qu'il y a... Mais en plus, alors je fais 1m53, donc c'est compliqué en fait. Sinon, je le fais debout, hein. Ça me va bien aussi. Ouais, voilà. C'est mieux, ça rend le truc plus réel, voilà. En lien avec l'émission d'hier. J'ai essayé de trouver une solution, j'ai dit, bah mince, je le vois pas et tout, mais la prochaine fois, j'amènerai des échasses. Ben ouais, donc je disais, ouais, donc je me suis après spécialisé dans les créations d'ambiance, mm-hmm. où en fait je faisais des fresques, tout ce qui est en fait sur mesure, très artistique. Et voilà, donc aujourd'hui on va aborder un projet artistique musical, mm-hmm. mais la créativité et j'allais dire la sensibilité que j'ai, j'ai eu la même dans la déco. Elle n'est pas que musicale. C'est ça. Donc après je faisais de l'astro déco, quelque mm-hmm. chose que les gens ne connaissent absolument pas, alors c'est que c'est énorme, sur ton signe astrologique. D'accord. Mais c'est vraiment assez extraordinaire ce truc. Mais voilà, faut en discuter. Après ça fait une autre émission et tout. Après carrément, c'est vraiment énorme. En fait, en sondant un petit peu les traits de caractère qui t'amènent après à des registres, comment on appelle ça, des registres culturels, mm-hmm. où en fait t'apprends les grands architectes, les grands décorateurs, qui t'amènent à des techniques. Donc quand tu as une énorme technique de la culture déco. Mmh. Voilà, donc je me positionnais vraiment comme quelqu'un qui avait une grande connaissance de la déco. Après, tu pars sur tout le restant, c'est-à-dire le feng shui, les palettisations couleurs. Ouais, tu vas revenir, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr, même. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais vraiment aimé, en fait, créer un truc avec Marie Lehoux, mm-hmm. qui est au pays de Marie. Voilà, parce qu'elle aussi est habitée à sa manière. Elle, c'est le relooking de meubles, essentiellement. D'accord. Bref, voilà. Après, donc, j'ai bifurqué sur le fait de créer une association de jeux de société qui a marché pendant 6 ans. J'étais venu voir Francky le matin pour une émission spéciale là-dessus. Donc, j'ai lâché parce que ça ne me correspondait plus. Mais je l'ai tenu longtemps, voilà, pendant 6 ans. Et puis après, donc, j'ai travaillé donc dans une spécificité des jeux de société qui sont les escape games. Oui. Et donc j'ai travaillé 4 ans dans une franchise qui est très connue. Enfin, c'était l'une des enseignes les plus connues sur Orléans. Mm-hmm. Je ne parlerai pas parce que j'ai pas envie de faire de pub. Et suite à ça, j'ai voulu après me lancer dans ma carrière, mais le Covid est arrivé. Donc j'avais tout mon business plan, j'étais bien. Et en fait, on a vu après un marché s'écrouler. Parce que c'est le genre de secteur qui ont été touchés de plein fouet. Oui. Mais j'ai gardé ça dans ma musette, puisque mes connaissances étant, je fais de ce qu'on appelle de l'escape home. Mm-hmm. Donc, je viens chez toi, je te dépayse ton habitat, tu ne reconnais plus rien et tu dois sortir de chez toi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était un projet auquel je tenais. J'y tiens toujours, puisque tout est prêt. Hein, y a plus qu'à, c'est pour avoir Yaz. C'était clé en main, bim. Et donc voilà. Mais t'as fait des choses quand même pendant le Covid. J'ai fait pas mal de trucs. Après, j'ai travaillé parce que j'ai des diplômes dans à la fois en tant qu'agent de fabrication dans les laboratoires pharmaco, rien à voir du tout. Mais pour le côté financier, ça me mettait vachement à l'aise. J'ai travaillé dans l'imprimerie, pareil. Mais voilà, après, j'ai eu une période comme ça, 3 ans. C'était alimentaire. C'était alimentaire, mais avec un salaire assez sympa, quoi, quand même, faut dire les choses. Et puis voilà, je pourrais y retourner, parce que voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me suis octroyé 1 an sabbatique pour vivre le projet à fond. Mm-hmm. Voilà, on peut penser ce qu'on veut. C'est un choix de vie. Et quand c'est assumé, ben, ça peut être très, très chouette. Bien sûr. Voilà. C'est un choix de carrière. Mm-hmm. De vivre pour soi à fond. Et puis après, on verra où c'est que ça mène. Mais c'est important de vivre pleinement. Bien sûr. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour. Donc du coup, il y a quelque chose qui m'a interrogée dès le départ. Tu as parlé d'hérédité dans la famille. Il y avait aussi une part de... Mon père, il m'a filé son côté mélomane. Ouais. Et vraiment, il était... Enfin, dans son travail, il travaillait à la SNCF. Et tout le monde l'appelait Johnny. Donc c'est vrai que c'était un énorme fan de Johnny Hallyday. Mm-hmm. Et il m'a vraiment filé son virus de la passion, de la sensibilité de voir un artiste sur scène. Mm-hmm. Et de par ses grands choix musicaux, il m'a... Voilà. Donc ça, je pense que ça a eu une incidence à ce niveau-là. D'accord. pour le produit, le spécimen d'aujourd'hui. Et après, justement, pendant le Covid, moi, je pense que c'est à ce moment-là que ton profil m'a intéressé. Ouais. Tu as fait des choses pour les gens, justement, pour qu'ils écoutent. Tu as mis des choses en place, il me semble, si je ne me trompe pas. Des mini-concerts. Alors, j'ai créé un collectif d'artistes qui s'appelle Persinaja, dans lequel on travaille et dont lundi, par exemple, on a créé une initiative qui, je trouve... Alors là, je vais me vanter, mais c'est important. Il faut aussi des fois se mettre en valeur, qui est un concept très original. Et pour moi, c'est la plus belle récompense pour un artiste. C'est que le public te dise non pas merci ou ouais, c'était chouette, ouais. Mmh. Alors ça, pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est d'aller chercher un partage commun. Et c'est un concert débat. Donc en fait, on débat d'un texte. Oui. Donc il y aura 6 textes en tout avec 3 artistes différents. C'est lundi soir là. D'accord. Donc le 20 et pas loin du Zénith, mais bon c'est déjà bouclé et au niveau des places. Ah oui, c'est complet. Enfin il reste une place, mais bon. Ah bah c'est pour moi. Bah écoute, voilà, c'est lancé. Mais du coup voilà, c'est très intime parce qu'on veut On veut la qualité plus que la quantité. Il y a 15 personnes en tout, artistes compris. D'accord. Donc c'est très convivial. C'est, voilà, et c'est une première édition. Donc le but, c'est d'amener ça auprès de cafés qui sont littéraires, parce qu'on veut vraiment aussi pouvoir faire honneur à ce genre d'endroit où on peut lire, mais aussi on peut discuter, échanger et voir philosopher. Et donc c'est un peu le principe de ce moment d'échange où on va chacun avoir un sablier. Donc on a un temps imparti, il faut apprendre à être synthétique dans ce qu'on va dire pour ne retenir que l'idée principale et ne pas se perdre dans des détails. D'accord. Au nom de la qualité d'échange du moment. Combien de temps? Et donc c'est 20 minutes par morceau. Ouais. Il y a 6 morceaux, tu fais le compte, donc ça fait à peu près plus de 2 heures. Et donc avec interprétation comprise. Donc voilà, il y a 6 morceaux en tout, dans des univers complètement différents. Nous, on va se positionner pour le coup dans un esprit un peu Édith Piaf et à la fois Ça va bien Estelle ça. Voilà, et à la fois un morceau très SF, science-fiction. Donc voilà, dans un univers électro, et puis il va y avoir de la balade et du blues, et un troisième groupe qui va faire du qui était présent hier soir à l'émission Maverica, qui est Unity Crew, et qui vont faire du hip-hop. Voilà, donc d'accord. Tu vois, c'est très large. Et je comprends pas bien, dans les 20 minutes, il y a aussi l'échange? C'est ça. Donc en fait, il y a 15 minutes d'échange. Ah oui, il faut être synthétique. Donc 15 minutes d'échange et on va peut-être un peu déborder hein, mais en tout cas le principe c'est conscientiser une personne pour dire tu sais que t'as pas beaucoup de temps, donc essaye d'être concise, et je pense que ça fait gagner en qualité d'échange, en qualité de ce qu'on veut dire vraiment. D'accord. Et donc du coup par rapport à ça après en tant que artiste on a 5 minutes pour interpréter notre morceau. Donc voilà, c'est une première, donc on veut pas se perdre dans, on veut rester dans quelque chose d'efficace pour après peut-être ouvrir à n'avoir que 2 artistes la prochaine fois et passer à 30 minutes, 40 minutes. Voilà, donc pour doubler le temps d'échange pour un seul texte. Oui, très bien ce concept. Hein. Ça donne envie en tout cas. Je prends la dernière place. Hein. Eh ben écoute, avec plaisir. C'est à quelle heure? C'est à 20h ou 19h30. Voilà. Ça va, j'aurai fini le travail. Voilà. Donc ça s'appelle Autour de la plume. Autour de la plume, mon ami Pierrot. voilà. Peut-être que je viendrai exprès en habit. Donc du coup, voilà. Et donc ça, c'est un collectif pour défendre, promouvoir les artistes locaux, parce que j'ai quand même une énorme base de données. C'est plus de 15 ans de passion où j'ai recensé une map de tous les endroits dans le Loiret et dans la région Centre qui représente aujourd'hui. Alors, on est encore loin du produit fini, mais on est déjà à 400 lieux de rencontres musicales ou d'espaces culturels. Voilà, et porteurs, hein, c'est-à-dire en gros, c'est des gens qui tournent, c'est des endroits qui tournent. C'est pas des trucs à l'abandon ou quoi que ce soit. Et puis pour les musiciens, ça représente dans le Loiret un bassin de 1050 groupes de musique. Ouais. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des groupes actifs. Ok, très bien. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe 2 ou 3 titres. Ok. J'ai Art Mango avec Je l'ai tant aimé, vous aimez bien. Oui, je connais. La liste de Rose. Et puis peut-être Oui, je l'adore de Pauline Esther, on verra. Okay. Et on revient pour parler d'Estelle. Ça marche. À tout de suite. Je suis un peu perdue, mais c'est pas grave, c'est le direct. Allez hop, zou. Désolée, je suis un peu perdue, mais ça arrive. Voilà. mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Je t'étouffe par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te dérange? Ce soir, j'ai rien trouvé mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je peux faire avec toi. Et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con, avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. Et oui, on l'adore, notre Pauline Esther sur Radio Arc-en-Ciel. Elle est trop bien, cette musique, en fait. Vous allez bien? On s'est fait avoir... On a eu un sniper qui nous a pris en flagrant délit de vocalise, là. Mais je tairai le nom. Ah, bah pourtant, il n'y a que nous trois ici. Alors, c'est à ton tour, chère Estelle. Alors, à savoir que c'est ta première radio. Oui. Tu m'as avoué ça tout à l'heure. Alors, comment tu te sens déjà? Eh ben, un petit peu stressée, mais bon, ça va mieux depuis tout à l'heure. Puis on est entre nous. Oui. Voilà. Donc, présente-nous un peu ton parcours artistique et musical. Comment t'es venu le goût pour la musique, pour le chant Et puis, je sais qu'il y a d'autres choses que tu vas nous raconter. Oui. Eh bien, ça a commencé depuis très jeune, en fait. C'est un peu grâce à mes parents, parce que j'ai été bercée dès très jeune avec Johnny Hallyday, parce que mes parents aiment beaucoup cet artiste. Et on a passé des soirées à écouter Johnny. Et donc, ça a bercé mon enfance. Et c'est vrai que la musique... Ça m'a attiré très très rapidement et donc c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Donc après par la suite en grandissant j'ai aussi été attirée par le théâtre parce que j'étais très timide et donc je me suis dit que ça allait m'aider justement à pouvoir aller dépasser cette timidité et donc je me suis lancée avec une petite compagnie sur Cléry et donc voilà, ça m'a plu, j'ai fait à peu près pendant 5 ans ça m'a vraiment redonné goût, en tout cas ça m'a permis de dépasser beaucoup de choses donc le fait de faire des improvisations, de travailler en groupe toujours dans la bonne humeur avec le sourire, c'était vraiment très très chouette. Tu parles au passé, mais tu continues. Oui, je continue toujours, mais en tout cas, c'était ça. C'est parce que après, Minouche, donc la metteur en scène est partie, et donc j'ai arrêté. Je me suis après focalisée sur mon ancien métier, qui était cuisinière. Oui. Où j'ai fait mon apprentissage. Elle fait des gâteaux. Pour les avoir goûtés, je vous jure. Là, j'en mangerais si t'en avais ramené. Te jure. Oui, parce que j'ai aussi été passionnée de pâtisserie, de cuisine. Ça l'est toujours. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Et donc, après ça, par la suite, j'ai exercé mon métier pendant un certain temps. Et j'ai décidé, une fois mon apprentissage terminé, de me remettre au théâtre parce que ça me manquait énormément. Oui. Donc maintenant, je suis dans une autre compagnie située à Main-sur-Loire depuis 5 ans. Et ça me plaît énormément. Pareil, il y a un groupe très chouette, très familial, en tout cas. Et ça, c'est... Je peux pas demander plus parce qu'ils sont vraiment à l'écoute de chacun. Et ça, c'est super. D'accord. C'est pour ça que ça se passe aussi bien. Vraiment un groupe soudé. Et donc, ça va faire maintenant 5 ans que je suis dans cette compagnie. Et ça va faire un petit peu moins d'un an que je me suis décidée, vu que la musique est une passion pour moi aussi, je me suis décidée à me lancer en me disant que voilà, j'ai fait donc un an de cours de chant lyrique, parce que le chant lyrique me plaît vraiment. Et après ça, je me suis dit pourquoi pas me lancer à la recherche d'un groupe, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai rencontré un premier groupe aussi qui était dans ma région, donc là où j'habite. Et ça a commencé comme ça. Et puis par la suite, après, je me suis dit bon, je vais me laisser d'autres portes ouvertes. Et puis j'ai rencontré Michael via un site, en tout cas, de rencontres musicales. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Alors, avant de venir justement à cette création de groupe, j'aimerais que, si c'est possible, que tu nous chantes une petite chanson d'Edith Piaf. Parce que je sais que tu les chantes merveilleusement bien. pour les avoir déjà entendus. C'est pas une chanson d'Edith Piaf, c'est une chanson sur l'ambiance d'Edith Piaf, mais c'est une compo d'Avoriaz en fait. Ah pardon, j'avais compris que ça allait être une chanson d'Edith Piaf. Bah découvrons alors. Ok, donc ça s'appelle Diva Gloria. Diva Gloria. Alors juste pour information, donc aujourd'hui on va vivre un autre truc, une autre expérience, c'est qu'on va jouer, enfin je vais jouer du piano, mais sans pédale. Donc ça va être, excusez pour le peu. Et puis pas debout, assis. Et c'est ça. Donc on va déjà faire un test, voir si au niveau du micro ça rend. Vas-y. Là du coup, il faut... Bah, j'ai tous les micros d'allumés. Ah, oui. Moi j'entends bien en tout cas. Voilà. Moi aussi, c'est bon. Ok, bah, c'est parti alors. Allez. On t'écoute. Un petit extrait. Bravo. Franchement, je sais pas comment expliquer, ça m'a fait un truc bizarre au cœur. Genre, j'ai le cœur, tu vois, un peu comprimé entre la respiration et trop beau. Trop beau, trop beau. Bravo. Bravo aussi, Michael, pour. Merci. Voilà, c'est pas facile parce qu'en fait, quand on travaille avec une méthode et qu'on sort de cette méthode avec ce truc qui n'était pas prévu de ne pas avoir la pédale d'expression. Mais ça, franchement, ça rend... après à réécouter, hein, mais je pense que le rendu est nickel. Ok. En tout cas, au casque, c'est nickel. Donc voilà, c'était. Rappelle-nous le titre. C'est Diva Gloria, et en fait, il y a une thématique. Mais en fait, je ne vais pas la dire, parce que sinon, comme c'est un morceau qu'on va jouer demain avec la pédale d'expression. C'est lundi. C'est lundi. Ah, comme ça, au moins, je te donne pas d'informations. Bah, j'essaierai de la trouver. Voilà. Alors. Mais voilà. Ah ouais. Mais je pense que j'étais pas loin avec mon cœur là. Ok. Non. Bah, écoute. Tu... Dis-moi oui ou non, c'est tout. Bah, je sais pas. Le cœur est large et peut toucher différents niveaux de conscience. Ouais. Et donc tu verras que cette conscience-là n'est pas une conscience normale. Voilà. Ok, je vais travailler ça ce week-end. Vous avez 2 heures. Voilà, c'est ça. En gros. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on remet encore 2-3 musiques, mais alors du coup, on va passer du coq à l'âne, parce que là, c'est vraiment du latino. Et on revient justement sur la création du groupe, comment c'est né, ce que vous faites actuellement et ce qui est prévu pour après. Ça vous marche. Va okay. À tout de suite. Là, je suis sûre, je lance la musique directe. Nettoie mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Deixa eu ver como é que tá tudo bem. Eu tô bem. Mon équipe ne change pas, j'ai la soif de vaincre et la baraka. C'est pas la chance, mais c'est Dieu qui donne. Ramène-moi un culot, on en fait une tonne. Sans cesse, à la fille du bon blanc, j'ai bâti mon empire à la sueur de mon front. Chaque jour pour moi est un combat, j'ai les cicatrices que le temps n'efface pas. Je vais les fumer, j'arrive à rien entendu. Je vais les frapper dans la lunette, je change toute catégorie. Je négocie un chocage, je vais taper les 1. Je veux dire 1, c'est R.O., c'est la diable. Je suis dans la zone comme Never. Même gâté se soigner de Paname jusqu'à Schweitzer. Ça réveille IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never, des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. Dans la veine de toute la journée. À peine arrivé dans le VIP et je suis bourré. Si ma go m'appelle, j'en vais pas. Ça va noyer le carré, faut débrouiller. Je mélange vodka, tequila. Ça m'a rangé, moi je mis là. Elle est nebo, si j'adore game. Je vais y aller profond comme un pila. Viens chérie, elle a peur sur la plata. T'as rêvé, il fait que des restas. Elle est pétée, elle veut se frotter. Ça va dégainer les Mathieu et les belles. Le magnum, cognac, belle, janta. Oui, je fais la mala. Si t'es nebo dans ton buzz, la 6.3, je te ramène en balade. J'suis dans la zone comme Never. Même gâté se soigner de Paname jusqu'à Schweitzer. Ça rêvé, il peut, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never, des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. J'arrive, je fous le spell, ferme ta gueule. Tu me dis que t'es en couple, ta gazdi se sent seule. Je prends plus de belvédère, je laisse ça à tes petits frères. J'ai baisé Rihanna sur la vie de ta mère. Je vis cher, je m'habille cher, touché cher. Voilà, tu vas prendre cher. Renegro, Django, Kodo, Bossa au Hirawendo. Chegue, dealer, y'a papé. Voyou comme Berlusconi. Donatella Versace. Veux que je passe ses proches. J'suis dans la zone comme Never. Même gâté se soigner de Paname jusqu'à Schweitzer. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never, des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Un Mathieu, un champagne, un magnum, oh blé. J'suis dans la zone comme Never. Tout est près de Paname au NVR. Il est 17h sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Alors perso, la musique que je viens de passer, j'aime pas. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Un peu trop vulgaire à mon goût. Donc on va repasser à nos invités. Donc il y a Estelle, il y a Michael, qui sont là pour parler du groupe Avorias qu'ils ont créé ensemble. Et on va écouter en fond, comment on peut dire ça? Aidez-moi, je perds mes mots. Dis-moi. C'est bon. Ouais, je disais en fond musical. En fond musical, merci, c'est si simple pourtant. Mais ça m'arrive souvent, hein, des bugs comme ça. C'est pas normal. Hein. Écoute, voilà. Hein. Ouais. Donc, rappelle-nous les titres, s'il te plaît. Donc là, on commence par la petite fille qui rigole, c'est oui. Danton et son Robespierre sur la Révolution française et en même temps un mélange Chucky dans un magasin de jouets. Mm-hmm. Donc tu vas me dire, oulala, il a fumé, je sais pas ce qu'il a fumé, c'est de la bonne. Et le second, c'est un morceau que j'ai composé avant-hier qui s'appelle Cavalier Sol en rapport avec le fait de faire cavalier seul. Mm-hmm. Et dans la ville d'Autriche qui s'appelle Sol, S-O-T-R-E-M-A-2-L. Ouais. Et c'est sur Sleepy Hollow. Qui est donc pas. En fait, le cavalier sans tête. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, voilà. Donc, il y en a un, c'est du dark rock, et mm-hmm. l'autre, c'est du métal symphonique. D'accord. Et du coup, c'est toi qui écris les titres Apparemment, ouais. Ouais. D'où te vient l'inspiration, justement? On va dire l'aspiration. Non, je plaisante. Je ne prends pas de ces choses illicites. Mais en tout cas, je sais que ma plus grande force, c'est d'être un compositeur. Ça, c'est une évidence. Mm-hmm. Et ça vient donc des films que je crée dans ma tête, puisque tout n'est que film dans ce projet. Et donc, voilà, on écoute un morceau un petit peu à la Tim Burton, très décalé, mm-hmm. un peu... Voilà, un peu complètement dingue. Mais du coup, c'est ce que j'aime ça, c'est la rencontre avec soi-même. Mmh. Et de pouvoir aller toucher cette sensibilité pour savoir la mettre sur le papier ou dans les oreilles. Voilà. D'accord. Donc je peux pas te dire d'où c'est que ça vient, simplement très tôt je me suis dit écoute, t'es devant une feuille blanche. Mmh. Voilà, tu es un tout petit. Mmh. Et puis maintenant bah tu vas dire que t'es plus petit quoi. Alors ouais. Maintenant tu vas travailler pour travailler. Ah, mais c'est inné. Alors c'est inné, en fait tu vas aller chercher cet inné, mais pour moi l'inné c'est juste un leurre, parce que tu peux être inné, tu peux avoir un don et ne pas savoir le travailler. Oui. Et pour moi le vrai don c'est de travailler en fait. Voilà. Moi je le vois comme ça. Pour moi il n'y a pas d'élite, c'est de travail et puis on discutera. Voilà. D'accord. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Ok, c'est ça nickel. Marche. Le fond assez. Donc on peut dire juste petit clin d'œil à Unity Crew, Théo qui nous a fait le mixage master il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines. Donc merci à eux pour, même si c'est un travail qu'on paye, ça reste associatif, mais j'ai envie d'en parler puisqu'ils font du bon travail. Voilà. Donc du coup, ben écoute, voilà. Très bien. Alors racontez-nous votre rencontre du coup. C'était un lundi soir, il y avait de la brume. Ben, c'est ce que disait Estelle tout à l'heure, en fait. Comme j'étais en pleine explosion de recherche sur les réseaux, donc les plateformes de rencontres musicales, qui s'appellent par exemple Zikin, enfin en l'occurrence c'est ce qui s'est passé. Et puis j'ai envoyé à une quinzaine de personnes dans la région, et après beaucoup plus, parce que je voulais aussi créer des collaborations à distance. Et puis Estelle a répondu, j'ai bien aimé sa façon d'aborder les choses. Et à ce moment-là, j'avais trois rencontres d'autres personnes qui voulaient chanter dans le projet. Et puis voilà, on s'est un peu laissé de côté, genre un mois. Tu m'as dit, ouais, c'est bon, on en rediscute un peu plus tard. Et puis on a repris ça, on s'est rencontrés, donc c'était au mois de janvier, je crois, non? Voilà. C'est ça. Et chez toi. Voilà, et du coup, voilà, ce que j'aime bien, c'est de laisser le temps au temps. Et puis, on a commencé assez rapide, enfin, on a discuté, mais on a voulu tenter le truc. Moi, je suis pas trop fan de ça, mais on l'a fait quand même, en chantant Diva Gloria. Donc, on s'est rencontrés. Quand je dis rencontrés, c'est pas ah, salut, non, c'est rencontrés, c'est-à-dire. Dans les yeux, il se passe un truc, on s'est rencontrés, tu vois, comme deux spécimens de planètes différentes. Et grâce à Diva Gloria, en fait, ça a été comme si c'était une. C'était, une évidence. Voilà, j'allais dire autre chose, mais bon. Ouais. Bah, dis-le. J'allais dire que c'est une chef d'agence matrimoniale, mais ça peut. Voilà, je vais vous rencontrer, voilà, mais j'apprécie l'idée, quoi. Donc du coup voilà, on a commencé à travailler et puis ça l'a fait. On a vu assez rapidement qu'on était force de travail, c'est-à-dire qu'en fait on a enchaîné les répètes et on n'a pas eu peur de le faire. Ça a été comme tout projet, il a fallu chacun prendre sur soi pour voir tout ce qui allait pas. Et puis pour ne se focaliser que sur la beauté et la lumière de ce qu'on partageait ensemble. Voilà. Donc ça s'est fait dans différents endroits. On a répété dans un café qu'on peut citer, qui s'appelle Ex Libris. On dira pas où c'est, mais c'est sur Orléans. Mais voilà. Et du coup, soit chez toi ou sinon, bah il y a aussi à la médiathèque, il y a un nouveau studio d'enregistrement qu'ils ont créé. D'accord. Pour les musiciens pour répéter. Voilà. Ok. Qui est vraiment très chouette d'ailleurs. Super. Voilà. C'est mis à disposition de tout le monde. Il suffit que tu aies une carte et puis voilà. Okay, donc c'est une heure par personne. Donc, d'accord. Ah oui, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Voilà. Donc voilà pour la rencontre. D'accord. Alors en écoutant les musiques là, si je ferme les yeux, je suis directement dans le monde qu'on me propose. Mais du coup, j'imagine des scènes costumées. Est-ce que c'est le cas ? C'est exactement ça, en fait. On veut absolument, en fait, mettre en avant notre nouveau slogan qui s'appelle « Entrer dans un monde immersif ». Et donc, en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir, en fait, faire honneur à tout ce qui est canal immersif. Donc, ça passe par la musique, qui est immersive dans le sens où toi, tu t'imagines peut-être des choses, parce qu'on t'amène à ça. Enfin, tu vois, c'est de la musique qui propose des ambiances. C'est ça. C'est pas juste, hop, ça y est, on danse, machin, où en fait, il y a aucune proposition d'immersion. Oui. Voilà, donc là, on écoute un autre morceau qui est donc le métal symphonique. Et il y a donc les cosplays, parce que tu en parles, mais il n'y a pas que ça, il y a la scénarisation, donc il y a l'aspect visuel, il y a donc les décors, les accessoires, et puis, bon, on va en parler juste après, la galerie virtuelle. D'accord. Mais tout ça à deux sur scène. Ouais. D'accord. Donc c'est ça en fait, c'est d'arriver à être synthétique dans un travail de projection où on se met à la place du public pour toujours dire est-ce que ça c'est ça vaut la peine de le faire, est-ce que ça va dans une mouvance où les gens vont comprendre ce qu'on fait, quelle est la proposition. Et donc voilà, en fait on essaye de d'être le plus juste et aussi en lien avec les moyens qu'on a. Okay. Voilà, on n'est pas une troupe professionnelle pour le moment, donc on fait en fonction. Donc déjà, on achète tous nos costumes avec nos petits sous-sous, donc c'est aussi un investissement. Bien sûr. Donc voilà, on a chacun un costume, on a des capes. Là, donc on a voulu miser sur. Alors, je pense pas que tu connais, je sais pas, c'est Lovecraft. C'est si tu connais, d'accord. Et ben du coup, en fait. Moi, je suis un peu blonde, mais quand même. Ah, c'est pas d'être blonde, c'est une histoire de d'avoir un registre que peu personnes connaissent, parce que c'est de l'horreur en fait. Faut aimer déjà l'horreur en soi. Et donc voilà, c'est les cultistes. Donc on a des habits de cultistes avec les accessoires. Je me fais menotter. Soirée un petit peu SM. Ça c'est fait. Allez. Et donc du coup, on a aimé le principe. Il y a pas le fouet, mais bon, ben voilà. Et en fait voilà, on est parti de ce truc-là pour faire une mise en scène sur Nyarlathotep, qui est donc un personnage de Lovecraft. Et donc du coup, voilà, on a aimé ça. Et puis par la suite, on a envie de partir sur du SF avec un costume de science-fiction, donc de cosmonaute. D'accord. Sur scène, donc voilà. Donc t'imagines un peu, tu vois le délire en fait. Tu dis mais qu'est-ce qu'ils font là? Tu vois deux spécimens complètement délurés qui viennent sur scène de dire eux. Donc toi, en fait, déjà il y a la surprise et c'est ce qui s'est passé il y a deux semaines. On a fait un concert, les gens ils font ah oh, mais qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois. Ah, ça reprend sur le morceau d'avant. Oui, j'ai voulu remettre. D'accord. Eh ben, ça te va? Moi ça me va. Il y a pas de souci. Et donc voilà, et en fait c'est ça, c'est la surprise du costume en fait. Voilà, pour ne parler que de ça. Mais en fait il y a plein de choses à dire. Oui, parce que quand les personnes viennent vous voir, ils savent pas qu'il y a ça. Exactement. OK. Et Estelle, raconte-nous ton côté à toi, ton expérience au moment de cette nouvelle aventure. Dès le début en fait, j'étais happée, on va dire, le concept m'a plu tout de suite. Je me suis dit qu'il y avait énormément de possibilités et donc je me suis lancée parce que vraiment j'ai senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une connexion en tout cas avec ce projet. D'accord. Et donc je regrette pas du tout parce que voilà, il y a encore énormément de choses à voir. Ça offre beaucoup de possibilités là. Énormément. J'ai mon cerveau, il va dans tous les sens, alors je fais pas partie du groupe. Tu es sensible. Ouais, hyper. Hyper. Et c'est pour ça que l'astro déco là, ça m'intéresse. Mais d'accord. On en parlera à une autre émission. Pas de souci. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu de musique et puis on vient pour parler virtuel du coup. Ça vous va? Et on fait ça. À tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Don't

17h24 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et le téléphone sonne, les amis. Je répondrai un peu plus tard, désolée. On a repris l'interview. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, vous avez aussi un autre projet dont vous allez me parler. C'est une galerie virtuelle, si tout j'ai bien fait. Compris. C'est ça. Alors, en fait, c'est un nouveau moyen pour, j'allais dire, promouvoir l'art. Et en fait, j'essaye de le proposer à beaucoup de personnes pour qu'ils se disent que souvent un contenu peut avoir une autre façon d'être abordé. Et on a choisi cette histoire de musée. Et je trouve que par rapport au fait d'attirer l'œil et la façon de plonger soi-même dans l'envie de s'investir, parce qu'en fait on propose un escape game dedans pour s'échapper de la galerie. D'accord. Donc le côté ludique, le côté eh ben moi depuis tout à l'heure j'ai plein de questions et j'ai envie d'avoir des réponses, et en fait tu te balades dedans pour au gré de tes envies ou en suivant la visite guidée, parce qu'il y a une visite guidée, t'appuies sur les boutons et voilà. D'accord. Et pour au final en fait tout comprendre de notre projet qui est, on le sait, est très vaste et très complet. Donc ça comprend beaucoup d'informations. Donc en fait je pense que t'en parler, ça pourrait être, comme tu aurais pu le signaler, c'est très riche, donc le cerveau, faut qu'il ait le temps d'imprégner. Là tu y vas quand tu veux, donc aujourd'hui je vais voir, je lis un îlot ou deux, un espace, et puis je reviendrai demain. Mais voilà, en fait si tu veux, je trouve que c'est une sorte de dossier de presse. D'accord. Mais virtuel, et tu y vas à ta convenance. Et qu'est-ce qu'on peut trouver justement dans ce dossier de presse? En fait, on parle de tout le projet, donc c'est-à-dire que on parle de nous un petit peu, des pistes de ski, parce que c'est un concept, hein, c'est à Avoriaz, donc comme la station de ski. Chaque piste de ski, c'est un style de musique ou un grand courant musical, comme le jazz ou le métal ou toutes les musiques saturées. Et donc voilà, en fait, on parle de, on peut comprendre tout ça. Il y a aussi plein de vidéos, soit par rapport au teaser, soit pour expliquer en fait notre mise en scène. On parlait tout à l'heure de la scénarisation et de l'expression scénique. Et en fait, donc voilà, on a fait une vidéo là-dessus, de pouvoir retrouver toutes les images des concerts, les programmations des concerts à venir et se passer. Et en fait, ben, au fur et à mesure, tu te balades, hein, on veut pas trop spoiler non plus. Sortie officielle le 19 avril. Et en fait, voilà, on découvre plein de petites choses sympas sur la nature des personnages, les environnements, puisque c'est aussi une histoire de décor. Hein, c'est très immersif, hein, voilà. C'est un vrai film, comme on pourrait faire au cinéma, décortiqué, décliné en 48 compos. Et encore, il y a, en fait, le projet au global sur une trentaine de scènes ou 30 ans de carrière, c'est 192 morceaux. Donc pour l'instant, il y en a 48. Parce qu'en fait, nous, on travaille par cycle. Donc là, on fait le cycle de l'air, donc les éléments. Et chaque cycle, c'est 48 compos. Donc le prochain, ça sera le feu. Et en fait, voilà. Et donc, quand on arrivera au 192e morceau, ça sera fini. Le projet s'arrêtera. Voilà, il y a une date de fin. Ah, il n'y a pas de suite. Et non, ça, mais t'imagines 192 morceaux. 4 saisons et point. 4 saisons de 5 ans, 5 ans, 5 ans par saison, tu vois, minimum, quoi. Voilà. D'accord. Mais, j'aimerais savoir d'où vient l'idée, comment est née l'idée, qui a écrit tout, et je suis peut-être un peu curieuse, hein, et depuis quand? Parce que c'est énorme. Enfin, je veux dire 192 titres pour pouvoir les écrire. Toi, tu me demandais qu'est-ce qu'on y trouve dedans. Mais à un moment donné, on parle de la bio. Donc, on l'a décliné en 4 espaces. Et il y en a un où, en fait, j'explique qu'en fait, c'est un projet spirituel où, en fait, c'est un vrai parcours de vie, tu vois. Donc, je suis désolée. Le projet en fait évolue humainement, j'allais dire spirituellement. Comment dire, la maturité du projet, l'évolution de la créativité, l'aspect artistique en fait évolue en même temps que nous. D'accord. Donc il y a une dimension très temporelle du projet. Donc ce qui fait que voilà, c'est du live, hein, c'est du live. Ouais, ce qui fait que En fait, le projet est là depuis 2005. Il a été créé en 2005, mais de manière très, j'allais dire, comme n'importe quel projet lambda où on veut juste faire des concerts ou à largeur faire des morceaux, et puis basta, je suis content. Mmh. Le truc, c'est qu'en fait, je suis en train de te dire que ça a vachement évolué dans ma tête. Et donc, décidément, c'est un acharné. Enfin, voilà, on a un passionné au téléphone. Et surtout que je ne sais pas comment, ça m'est jamais arrivé, tu n'entends pas la sonnerie dans le casque en fait. Mais je me renseignerai pour une prochaine fois, en tout cas marche. Je suis désolée pour tous ces problèmes techniques. Et donc du coup, voilà, il y a vraiment une dimension où le projet évolue en même temps voilà, il y a encore des morceaux qui sont pas faits par rapport au 48. Il y a soit l'empreinte scénaristique, soit la compo est finie puis tout va bien, mais voilà, ça évolue. Je ne sais jamais demain ce que ça va m'apporter. Donc j'aime bien cette notion de imprévu, surprise que le projet m'apporte. Et ouais, chaque jour, donc pas l'émission. Comment ? Pas l'émission en tout cas. Là il y a de la surprise là aussi avec les téléphones et tout. Voilà. C'est moins agréable. Il manque juste les paillettes là. Voilà. Mais bon, je veux bien m'appeler Kevin. Et donc du coup, voilà, ça c'est très important à dire en fait. Voilà, cette notion de chaque jour, le projet évolue et amène une dimension pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Et enfin, il faut vraiment aller voir ce côté très spirituel, parce que c'est vraiment, je pense, bien expliqué. Il y a un arbre kabbalistique, et à partir de là, j'ai fumé la, je sais pas quoi, mais c'était pareil, encore de la bonne. Et donc voilà. Et en fait, c'est venu naturellement pour synthétiser ce que j'ai à dire. C'est que, en fait, j'ai composé, puis je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Là, en fait, on pourrait lier les morceaux entre eux. Mm-hmm. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'au fond de moi, je pense que je suis un vrai réalisateur. Et je me suis dit, bah, tu vas écrire des scénarios. Mm-hmm. Et puis après, je me suis dit, waouh, maintenant, en fait, c'est devenu ma façon d'écrire. En fait, pour composer, maintenant, je crée d'abord une histoire. Mm-hmm. Et du coup, une fois ce monde virtuel passé, et puis bah, qu'au bout de 4 saisons, de 5 ans, c'est fini, est-ce que t'aimerais le mettre à l'écran ? Ben, c'est ça, en fait, c'est la finalité, c'est faire un film, ouais. Okay. Donc là, on veut créer un livre qui récupère tous les scénarios, tous les storyboards pour n'avoir qu'une seule lecture en se disant, ouais, on est en train de lire un Harry Potter, là. Mm-hmm. C'est carrément ça, carrément. Puis ça sera un gros pavé, quoi. D'accord. Mais voilà, c'est ou sinon, le décliner en du plusieurs. Du coup, le livre avant, moi j'imaginerais plus une série du coup qu'un film, mais pourquoi pas. Pour nous emporter encore quatre saisons pendant 5 ans. Je vais appeler les studios Netflix. Voilà, bah, ça pourrait être une bonne idée, hein. Mais plutôt le livre avant. Alors, il est vrai que ça pourrait être le livre à la fin, je sais pas, mais c'est vrai que d'un point de vue commercial, on trouve que c'est plus facile de créer un livre qu'on peut vendre, qu'on peut autoproduire, que faire un... Oui, puis ça laisse place d'abord à l'imagination, et puis au final de se dire, est-ce que le film ou la série rend aussi bien que mon imagination ? Parfois, on est déçu. Souvent. Et ouais, super intéressant, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Du coup, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Eh bien, donc sur la fameuse galerie d'Artstep qui arrive bientôt. Sinon, sur les réseaux habituels, donc Facebook. Alors, sur Facebook, c'est Avarias World. Sur YouTube, c'est Avarias World 45. Mm-hmm. Sur Twitter, c'est Avarias 2. Et sur Instagram, c'est Avarias World. Voilà. Très bien. Et la galerie, on la trouve à travers ses applis. Voilà, c'est le mois d'avril. On a pu le voir tout à l'heure. Donc soit on passe par le browser, donc parcourir sur le site, ou en téléchargeant l'application. Le lien sera donné forcément dans une publication. Hein. On en parle tellement, on essaye même de mettre des petits screens pour donner envie avant l'heure. Mm-hmm. Voilà, mais ça va venir en son temps. On a encore des choses à peaufiner dessus, dont l'escape game. Je sais pas si tu réalises un peu le travail que ça représente. C'est pour ça que je t'ai posé toutes ces questions de depuis combien de temps, etc. Parce que c'est impressionnant quand même. Mm-hmm. Un petit peu. voilà. Mais on en est conscient, hein, que c'est un projet ambitieux, mais qu'on essaye d'être le plus réaliste pour rester, on va dire, dans une justesse purement artistique, de dire là, on est au vu de nos moyens, on pète pas plus haut. Mm-hmm. Si on évolue, ça veut dire qu'on l'aura mérité. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, c'est, on est un projet pour l'instant amateur, mais c'est vrai que notre finalité, c'est d'aller plus loin. Voilà, on va dire les choses. Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre ? Un petit titre, ce serait possible ? On peut faire un titre, voilà, donc c'est en fonction du réel. On n'a pas répété, voilà. Parce qu'il faut dire les choses, hein, on a discuté de cette invitation hier. Oui. Et donc c'est, il y a le côté très, très spontané, quoi. Rapidement, c'est vrai. Alors avant que vous passiez, je vais passer juste un petit titre, le temps de répondre au téléphone. Pas de souci. Et puis on revient. Ça marche. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby, era só janjão. Tu dizias que me morras, que me adoras, baby, era só janjão. Quando tu dizias pra pedir a tua mão, e o que faço eu? Se não ganho o teu carinho, e o que faço eu? Se não ganho o teu beijinho, e o que faço eu? Honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas tu investe nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de binguilé. Vou tirar o pé, já se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que a bala de canhão. Princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. D'écouter Mr. Jake et Eddie Flo avec la chanson Jaja. Bon, chers amis, déjà bonne nouvelle, j'ai réglé ce petit problème technique grâce à l'animatrice Carla Gambo qui passe juste après moi de 18h à 20h. Donc, même si le téléphone sonne, il ne sonnera plus dans vos oreilles. Encore désolé pour ça. Et puis, oui, dis-moi. Je sais pas si c'est, je m'entends pas. Et c'est, ah oui, c'est bon. Tu t'entends ? C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Oui, c'est bon aussi. Et aussi, en fait, c'est une fidèle auditrice qui nous appelle toutes les semaines pour nous passer le bonjour, etc. Et puis, elle avait pas compris que j'étais à l'antenne. Mais c'est Manuela, si vous voulez lui passer un petit coucou. Bonjour Manuela. C'est pas notre Manuela commune, c'est une autre Manuela. J'en profite pour faire des bisous à ma nièce si elle écoute. Et puis également, on a eu des petits messages d'auditeurs, donc par les réseaux. Donc j'en profite pour passer tous les bonjours. Il y a Isa, il y a Ayawa avec ses collègues qui nous écoutent à l'EHPAD quand même. Donc on peut leur donner du courage. C'est pas forcément un métier facile, mais voilà. C'est pas du tout un métier facile d'ailleurs. Donc, je vous demandais une petite chanson avant tous ces petits soucis techniques. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien, on va vous proposer de faire Sauvage. Mm-hmm. Donc, c'est un morceau sur... imaginons que la séduction, le rapport, j'allais dire, à l'amour pouvait être justement le fait de s'apprivoiser comme deux bêtes. Donc moi je suis le prédateur ou la proie, mais justement il y a un échange où en fait on se voit comme deux êtres sauvages. Mm-hmm. Très bien. Voilà. Que de promesses, j'attends. J'écoute. Ça marche. Bah, c'est parti. Donc là on chante à deux, puis là c'est à la guitare, donc ça change un peu. Ok, voilà. Ça marche. Bah c'est parti. La nature est ainsi faite, nos instincts sont faits pour en être assouvis. De ta robe fauve fluette, je te maculerai du sang de la vie. Je cours, tu fuis comme une danse. Cette transe, aucune ombre ni grotte secrète ne sera ton abri. Je t'apprivoise comme tu me guettes pour ce combat sans merci. J'attendrai le temps qu'il faut comme un avant-goût de l'enfer avant le paradis. Des fortes yeux de mes crocs avant que l'on ne succombe à notre félinie. Tu cours, je fuis comme une danse. Je joue mon cœur à cette transe. Moi je n'attendrai pas flemme de te tendre mes veines. Que la morale n'est pas tendre, ou tout cruel que ceux qui s'en défendent. Dilemme de que tu ne tiens qu'à la chaîne. Toi qui n'avais faim que de potence, te voilà percé sans défense. Imaginez qu'on est plusieurs. Je sais pas si je frappe assez fort. Bravo, trop beau, trop beau. Merci. Et du coup, on peut la trouver aussi sur. C'est un morceau qu'on a voulu créer avec une orchestration. Donc en fait, elle est pas finie cette orchestration. Oui, tu peux retrouver sur. Je dis une bêtise. Tu peux retrouver sur Izizik. Okay. Voilà, on a un blog où il y a tous nos morceaux, ou une bonne partie, classés par album en plus. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une piste rouge. Donc il faut comprendre qu'en fait, comme je te dis tout à l'heure, il y a des courants majeurs et cette chanson est un mélange à la fois de Far West et puis de musique un peu pas tribale, mais on est dans le côté un peu sauvage. Voilà. C'est ça. Ben, merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Je vous propose qu'on passe un petit peu à la musique et puis malheureusement après, il va falloir qu'on se dise au revoir. Eh oui, ça passe vite. Ça passe trop vite. A tout de suite. Ça marche, tout de suite. Eso me lo embarga y luego te burlas de mí. Por qué me tratas así? ¿Por qué viniste a matarme por dentro? Yo ya no quiero sentir lo que siento. Siempre serás la primera y aunque yo te quiera, ya vete traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Baby, tu me fais du vice all night. Fais pas ta hosta, baby. Avec moi, tu tombes mal. J'suis pas ta losa, baby. Losa. Tu te fais du film all night. Losa. Et tu me vois comme ça, baby. Losa. Y'a rien de plus normal. J'peux pas tout te donner maintenant. Donne-moi du temps. Tu veux me balader? Dis-moi, c'est quoi ton plan? Fais-moi voyager, un aller sans retour. J'te serai fidèle jusqu'au bout du parcours. Tu m'as pris pour un autre. Losa, baby. Losa. Tu me fais du vice all night. Losa. Fais pas ta rosta, baby. Losa. Avec moi, tu tombes mal. Losa. J'suis pas ta losa, baby. Losa. Tu te fais du film all night. Losa. Et tu me vois comme ça, baby. Losa. Y'a rien de plus normal. J'peux pas toutes vous aimer, mon cœur est un coupé sport. Si j'suis au volant, nage même pas à bord. Si tu prends le siège, n'oublie pas la ceinture. Et quand tu vas descendre, n'oublie pas la peinture. Pas de place pour une autre. J'suis pas ta losa, baby. Losa. Tu te fais du film all night. Losa. Et tu me vois comme ça, baby. Losa. Y'a rien de plus normal. Main dans la main, côte à côte. Te dire je t'aime jusqu'à l'aube. Mais mon bout du monde serait jamais loin. Rien qu'à losa, baby. Et si je m'éloigne de temps en temps, au fond, je ne fais jamais semblant. Tu ne mets jamais de point. T'es rien qu'un losa, baby. Losa. Tu me fais du vice all night. Losa. Fais pas ta rosta, baby. Losa. Avec moi, tu tombes mal. Losa. J'suis pas ta losa, baby. Losa. Tu te fais des films all night. Losa. Et tu me vois comme ça, baby. Losa. Y'a rien de plus normal. Oh, aïe. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie en entrée plat dessert. Let's go, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui? Tu connais mon proverbe. Let's go, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Trop petit. Les hommes superficiels pour toi, c'est trop petit. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. T'as fini de donner l'heure à n'importe qui, n'importe qui. Au débit, la connexion c'est forcément du haut débit. Tu gères les bails, tu veux le respect d'une boss lady. J'ai comment pimenter le reste de ta vie. Oui, rentré, tu veux plus sortir de ma tête. Je suis bien partout avec toi pour être honnête. C'est autour de toi que tourne rejoins ma planète Maya. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie à notre planète. Let's go, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Let's go, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Y tú tenías razón, yo tenía mi atención. Perdí tiempo y nunca llegué al corazón. Sé bien lo que yo me merezco. Yo contigo sin miedo yo me arriesgo. Porque si la vida es así, bendición es tenerte aquí. Vamos a seguir el momento. Dejo libre todo lo que siento yo. Como una estrella. Sans parler de sommeil, les eaux, mon soleil. On va goûter la vie à notre planète. Les eaux, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Les eaux, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Les eaux, mon soleil. On va goûter la vie à notre planète. Pas tous ceux qui tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Let's go. D'écouter Dadju avec Mon Soleil. Ah, j'aime bien celle qui passe là après aussi. Bon, après un peu du Edith Piaf, mais un peu en musique commerciale. La ville, ça dit, au loin. Dans la ville. Toi, t'aimes pas, Mickaël. Je sais pas pourquoi je sens. Attends, tu m'as bien, le micro. Tu m'as bien cerné. Ouais. Non. Je crois que moi, pour le coup, je suis un peu pareil sur ça. Ah, Edith j'aurais pensé que t'aurais bien aimé le fait que ça bouge. Non, Edith Piaf, pour moi, on... On n'y touche pas. On n'y touche pas. Ouais, voilà. T'as raison, c'est vrai. Edith Piaf, voilà. C'est sacré. Donc, du coup, je voulais vous remercier d'être venu. J'ai appris beaucoup de choses. Justement, on a un peu échangé et je m'imagine très bien assise sur un fauteuil hyper confortable près de la cheminée avec un casque. Tu veux dire comme lundi ce qui va se passer en fait? Hein? Le fait de venir. Ah, ah bah, tu vas être si confortable. Je pourrais en parler samedi prochain de cette expérience-là. Mais je m'imagine très bien, ouais, chez moi avec un casque à imaginer sauvage. Et non, je plaisante. Mais non, c'est très, je sais pas, immersif, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Et puis, ça permet à l'esprit de vagabonder, de s'évader, de s'ouvrir. Voilà. Mmh. Bah, c'est une expérience avec soi-même, hein, c'est comme ça qu'on le présente. C'est vraiment une exploration intérieure, en fait. D'accord. Voilà. Un peu comme, ce qu'on pourrait faire en sophrologie, en méditation. C'est thérapeutique et spirituel. Donc, nous, on sait très bien par rapport au scénario et par rapport à la portée des paroles et même par rapport à la sensibilité que dégage la musique, de la puissance de ce qu'on veut dire, le message. Mmh. Et donc après, le message, il fait son travail comme une sorte de on est des passeurs émotionnels, donc en fait on passe quelque chose et après ça se diffuse, ça met du temps pour arriver au bout du truc, mais en tout cas c'est ça en fait, et en fait on fait un travail personnel en écoutant enfin c'est notre but en tout cas. Okay. Voilà. Et puis il y a vraiment l'histoire autour des deux personnages dont on n'a pas parlé, mais on s'identifie vraiment à la place des deux. Il y en a un qui est l'horreur, enfin qui est le mal absolu, et l'autre qui est la lumière la plus sacrée. Qui est-ce? Donc c'est, bah, c'est les deux personnages principaux du projet. Et c'est qui fait le mal et qui c'est qui? Ah bon, ça dépend en fait. On passe le truc. D'accord. C'est une patate chaude. D'accord. Très bien. Bah, j'ai hâte de découvrir en tout cas lundi. Et ravie d'avoir pris cette dernière place. Ah bah écoute, voilà. Je vous remercie encore de votre venue. Bah, merci à toi. Et un mot avant qu'on se quitte. Ouais, bah donc merci à toi parce que ça a permis d'avoir ce temps d'échange entre nous. Moi, je connaissais un peu la radio avec Mavrika, mais la vie est faite d'expériences. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de pouvoir permettre aussi à Estelle de vivre ça et que voilà, en nous souhaitant que la route ne fait que commencer. Mm-hmm. Et puis, ce que je dis tout le temps dans cette radio, il y a quelque chose de chaleureux et de familial. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup parce que ça, c'est très intime, mais c'est très pur. Enfin, il y a rien de surjoué. Ah on n'est pas, sûr. Là pour dans une radio, une radio plus publique ou voilà. Ouais. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, un message à tous ceux qui m'aiment et que j'aime. Mmh. Et puis voilà, on vous dit à bientôt sur les routes. En tout cas, moi, j'ai parlé pour moi. À toi, Estelle. On peut peut-être souhaiter moi, je souhaite un bon anniversaire à ta maman pour demain. Oui, c'est vrai. C'est demain. Un petit coucou à elle. Eh ben, moi, je voulais te remercier aussi de nous avoir accueillis parce que voilà, c'était une première expérience à la radio et j'étais un peu stressée au départ. Mmh. Et puis finalement, comme c'est dans une bonne ambiance, comme disait Mickaël, familiale. Envie de revenir ? Oui, oui, oui. Vous revenez quand vous voulez. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Ben, c'est moi qui vous remercie. Un petit coup de guitare. Ouais, un petit coup de guitare, hop, un petit hop, rapide, hein, je pense que tout le monde reconnaîtra. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, la la la la la.